ce doux. Pour faire du caramel trop. Instinct animal, basique, I speak, nice speech. B2OVA, Bull B, South Beach. L'argent est gagné salement, les sommes sont colossales. Chevaux noirs dans moteur allemand, maragie coloniale. On t'aura tout de billets, fais pas la belle. J'ai de la fraîche, de la moula, du caramel. J'suis dans les airs, t'es dans les bouchons. Le game est sur ma bite, c'est un califourchon. T'as un portefeuille à damier, mais t'as rien à damer. J'suis plus dangereux qu'un camé armé, qu'un camé armé. 9-2 illunatique, tu peux rien faire de mieux. J'suis de Niro dans Hit, sauf qu'à la fin j'pars sans la queue. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. J'dois faire du beat, de la moula, du caramel. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. J'dois faire du beat, de la moula, du caramel. Du caramel. J'ai fait un rêve, beaucoup de raclis comme Martin Luther King. Tu l'as dans ton Buckley, je l'ai dans mon parking. Ton caramel, je fous quoi? Je suis à la barre, je suis coupable. Tu lâches ton number ou quoi, hein? Tu veux baiser ou pas? Ma fait djiboudienne, plus du mampi. Little Haiti, je mange du lampi. L'arme de Jack au sol pour mes sauces morts. Leur cœur bat dans mes sauts morts. D-M-O-N, je vis la nuit. C'est que des frères, je n'ai pas d'amis. Bras à soldat 9 de I. Heureux malheureux, je pense à lui. Je pense à lui. Je pense à Daouda, Aruna, je pense à Will. Dans les rues du 9 de Easy. Musique à fond, je pense à Gil. Cheer. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Je dois faire du beat, de la moula, du caramel. Du caramel. Tout ça, c'est pas halal. J'dois faire du beef, de la moula, de la caramel. Du caramel. Ojiko, j'parfume le Kohiba. J'suis number one, premier de la classe, donc je ne copie pas. Gros chèque malgré échec scolaire. Pour monter au 7ème ciel, dois-je baiser une hôtesse de l'air? Ou deux? Ou trois, t'es amour, gloire et beauté. J'suis haine, victoire et colère. Moi j'suis tard les anciens. Leur rap c'était pas mieux avant. J'm'en fous d'un magnum à ma table. J'l'ai mieux dans ma boîte à gants. La concurrence, père. Booba m'a tué du style en mourant. Coup de rein est légendaire. Ta baby mama est tout courant. Vous êtes comme Kenny de South Park. Chaque épisode vous mourrez. J'aime bien les préliminaires. J'préfère les échauffourés. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. J'dois faire du beat, de la moula, du caramel. La dans le building. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal.